Radio Boncon. En ces temps difficiles, le Boncon a besoin de s'exprimer. C'est pourquoi Radio Boncon présente La Bonne Chronique. La Bonne Chronique. Un espace d'expression pour le Boncon qui le souhaite. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la Claison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la Bonne Chronique. C'est salut, Orion. C'est toujours la déglingue. La Bonne Chronique. Un Boncon. La Bonne Chronique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Boncon. Vous êtes avec Boncon Théo et je vais vous lire ce très court texte que m'a inspiré ce temps de confinement. Je vais vous narrer aujourd'hui l'histoire d'un homme plein de préjugés, intolérant aux autres et probablement climato-sceptique. Bref, celui qu'on appellera ici Jean-Marie, pas le peine de vous faire un dessin, est un con fini. Ce con fini de Jean-Marie vivait jusqu'alors une simple vie, déversant constamment ses conneries aux congénères conscrits qui contemplaient sa haine avec consolation, content de ne pas être les seuls dans leur conséquemment conne compréhension des autres. Seulement maintenant voici que notre Jean-Marie se retrouve, comme nous tous, confiné, seul chez lui, pour conserver sa vie, déjà trop longue, j'en conviens. Seulement Jean-Marie, trop vieux et trop con pour l'internet, fut rapidement coincé, comprimé dans son canapé, un comprimé dans son verre d'avoir déjà trop regardé la rengaine continuelle de BFM TV. Constipé à l'idée d'entendre encore un mot de ce condescendant animateur, il coupa la télé. Mais là, le drame se produit. Jean-Marie se retrouva comme un con, avec pour seule compagnie sa caboche inféconde. Des images lui parvinrent, compilation de souvenirs retraçant sa consternante vie de con en tête de parti. Content au préalable de ses réussites passées, il fut soudain confus, comme si une voix en lui contredisait sa joie, conjecturant ses actes de cruel et abscon. Ce con de Jean-Marie aux confins de son esprit se retrouva soudain, pour la première fois je le crains, contraint de confronter sa conscience. Compagne concomitante de son existence futile, elle s'était jusqu'alors contentée de camper dans les contrées oubliées de son crâne calvitié et vicieux. La conversation fut longue, les compromis difficiles, la conscience de Jean-Marie contesta tout, confrontant Jean-Marie à ses actes. Sa tâche fut incommensurable tant il est compliqué de faire comprendre à un con qu'il l'est, et plusieurs jours de confinement passèrent sans que notre con ne contemple plus rien d'autre que l'insondable étendue de sa connerie. Mais un jour enfin, et trinquons à ce jour saint, notre confiné finit par comprendre qu'il était con. Fin. Merci de votre écoute attentive, et petit jeu, saurez-vous me dire combien de fois j'ai dit le son con dans ce conte? Bisous, à bientôt. La Bonne Chronique. Salut, je suis Kenza. C'est Aurélie la Claison. Je suis François. Je suis Chloé. Je suis Mona. Salut, c'est Tata Lolo. Oui, la Bonne Chronique. Salut. Orion. C'est toujours la déglingue. La Bonne Chronique. La Bonne Chronique.